Et une dédicace à Tidal Wave, qui est là, c'est un super groupe. Ils sont là. Ouais, mais ils jouent pas, normal. Merci pour eux. Celle-là ? C'était bien, hein ?